إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا زلنا مع كتابنا الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى الباب العاشر باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار والحديث رواه مسلم وغيره وهو صحيح. Chapitre: celui qui a connu ses parents et n'entre pas au paradis. Dans Sahih Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il dit que son lait soit rempli de poussière, que son lait soit rempli de poussière, que son lait soit rempli de poussière. C'est-à-dire que c'est un signe de honte. C'est un signe de honte. Lorsqu'il y avait quelque chose, lorsque on disait honte à toi, chez les Arabes à l'époque, c'est comme si on disait que ton lait soit rempli de poussière. Et s'il y avait un événement qui arrivait grave de la honte, donc des fois les gens prenaient et mettaient de la poussière directement sur leur nez, chez les Arabes. Donc ils ont dit, les compagnons, Ridwanullah alayhim, qui ont envoyé d'Allah? Il a dit: celui qui a connu ses parents alors qu'ils sont vieux, ou l'un d'entre eux et n'entre pas au paradis, ou plutôt et entre en enfer. Et entre en enfer. Car en vérité, il n'a rien fait pour eux. Il n'a rien fait pour obéir, pour être bon envers ses parents. Donc il a mérité cet enfer. Babun la yastaghfiru li abihi al mushrik. Chapitre: donc il ne faut pas demander à Allah pardon pour son père qui est polythéiste. قال ابن عباس رضي الله تعالى في قوله عز وجل: إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرة dans سورة الإسراء versets 23 et 24. Donc Ibn Abbas dit par rapport à ce verset: si l'un d'entre eux donc prend de l'âge, atteint un âge avancé, ou les deux, ne leur dis pas ouf. Ouf, fin. Hein, c'est dans le sens où, si tu demandes, si tes parents te demandent un service, et tu fais ouf. Style, j'en ai marre. Style, j'en ai marre. C'est la plus petite parole qu'on puisse utiliser, c'est ouf. On ne veut pas dire autre chose, on fait ouf. Avec le fait de souffler, c'est ça, ouf. Jusqu'au verset: comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم dans سورة التوبة verset 113. Cela n'appartient pas à l'envoyé ni à ceux qui ont cru de demander pardon aux polythéistes, même s'ils font partie des plus proches de la famille, des proches, après que il aura été parvenu que ces gens-là font partie des gens de l'enfer. Donc ça, c'est vis-à-vis du fait de demander le pardon. C'est bien spécifique. On parle bien du fait de demander pardon alors que ces gens-là sont morts dans le polythéisme. Le chapitre qui vient après, il montre comment on doit quand même être avec eux, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Le fait les sahachar, babu bir al-walid al-mushrik. Donc chapitre de la bienséance envers le père polythéiste, envers le parent polythéiste. « يعني قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه نزلت في أربع آيات في كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة dans سورة اللقمان verset 15. Donc Sa'd ibn Abi Waqqas, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu, il a dit quatre versets du livre d'Allah Azzajal sont descendus pour moi, hein, sur des points de ma situation, des points de ma vie. Ma mère avait juré de ni manger ni boire jusqu'à ce que je quitte et je délaisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azzajal a descendu le verset, même s'ils font les efforts afin que tu m'associes en quoi que ce soit, alors que tu n'as pas de science en cela, ne leur obéis pas, mais reste bon avec eux dans la vie d'ici-bas. Hein, accompagné en toute beauté dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est le premier verset. Ethania, inni kuntu akhassu yani seifan ajabani. Fakultu ya Rasulallah, habli hada. فنزلت يسألونك عن الأنفال. Donc lorsque ils ont fait le combat, il a trouvé donc un épée qui lui plaisait, qui a été pris donc des autres, il lui plaisait cette épée. Il a dit: oh, envoyé d'Allah, donne-moi cette épée. Et Allah a descendu le verset: يسألونك عن الأنفال. Il te questionne au sujet du surplus. الأنفال, c'est ce qui en réalité le butin. C'est le butin qui est gagné. Et de là vient le mot nafila. Nafila. Parce que c'est quelque chose qui est rajouté. Hein, c'est un surplus. C'est-à-dire c'est un surplus par rapport aux offres qui sont en vérité obligatoires. Nafl. Nafl, en vérité, c'est un rajout. C'est quelque chose de plus. Wa-thalitha. Donc le troisième verset qui est descendu pour Sa'd ibn Abi Waqqas. Inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa'kultu ya Rasulullah. Inni uridu an aqsima mali. فأوصي بالنصف فقال لا فقلت ثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا. Donc il était malade, Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Et les gens connaissent donc le bienfait en vérité qu'il y a dans la visite à la kulli hal du malade. Et Allah Azza wa Jalla guérit, et il a voulu par rapport à cela donc donner la moitié de son argent. La moitié de son argent, donc, pas en héritage, mais en legs. Hein, le fait de vouloir, en vérité, dire que cet argent-là, elle va partir quelque part. Et il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux donner la moitié? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit non. Il a dit le tiers, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tu. Il s'est tu. Donc, le tiers, c'était une preuve que le tiers, en vérité, ça c'est une preuve que le tiers, il est permis de donner le tiers de son argent avant sa mort. Rabi'a, et c'est le tiers qui en vérité, wafuluf, kathir. Et le tiers c'est beaucoup. Rana, c'est le plafond. Il ne faut pas dépasser un tiers. Si tu veux dépasser un tiers, il faut que les héritiers acceptent. La condition pour que tu puisses dépasser un tiers c'est 33%. Si tu as décidé de donner 40% par exemple, ben c'est 7% qui ont été rajoutés, il faut que les héritiers acceptent. Parce que ça vient de leur part. Parce que lorsque la personne meurt, c'est les héritiers qui prennent le reste. Rabi'a, quatrièmement, inni sharibtu al-khamra ma'a qawmin min al-ansar. Fa dariba rajulun minhum anfi, yani balha jamal, anfi yani balha jamal. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. Donc il disait, j'ai bu de l'alcool avec des gens des Ansar, donc les gens de Médine, et un d'entre eux a tapé donc le nez, hein, donc il a tapé son nez avec la tête, hein, donc avec la tête du chameau. Donc en vérité, donc il a pris par la barbe et il a tapé comme ça avec directement face au chameau. Donc il y a une bagarre entre les gens. Il y a en ce moment-là de la violence entre ceux qui boivent l'alcool. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter cela. Donc ils étaient déjà musulmans, mais l'alcool n'était pas encore interdite. Et Allah Azza wa Jalla a descendu donc le fait d'interdire l'alcool. Les gens qui avaient le verre dans la main le jetaient. Ils n'ont pas dit ah c'est interdit, je termine et khlas là. Ils jetaient. Alors que Sob, hein, Anas ibn Malik était plus jeune qu'eux, que certains anciens, c'est lui qui leur servait. Et quand il a su ça, ils ont tous, même lui, que ce soit lui ou bien les autres, ils ont tous jeté l'alcool qu'il y avait dans leurs mains tout de suite, sur place. Et aussi, toujours par rapport, donc là on a vu par rapport à ça, à ce chapitre, on a tout lu ici, mais ce qui nous intéressait par rapport au chapitre, c'était justement « وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِالْعِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَحْبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » C'est ce verset qui nous intéressait ici. Et aussi, donc Asma bint Abu Bakr radiallahu anhum anjma'in قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصيلها قال نعم. Donc c'est une histoire qui est connue, la fille d'Abu Bakr. Lorsque sa mère est venue pour la voir, elle voulait voir sa fille, et sa mère n'était pas musulmane. À l'époque du prophète sallam, elle a dit, elle a questionné le prophète sallam, est-ce que je garde les liens de parenté avec elle? Et le Nabi sallam a dit oui. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah vous interdit pas, c'est la vérité, d'être bon, hein, ou bien d'avoir des liens avec ceux qui ne vous combattent pas dans la religion. Et ça c'est pour tout le monde, c'est âme, c'est pour toute personne qui n'est pas donc en adversité ou en animosité avec l'islam. Il n'y a pas de problème d'avoir des bons comportements et des bons rapports avec eux. Donc le mumtahina, c'est un hadith qui est authentique. Et aussi Ibn Omar rapporte, donc il dit Ra'a Omar radiallahu anhu hullatan, yani siyara tuba'a, faqala ya Rasulallah ibta'adihi farbisha yawm al-jum'a wa iza ja'aka wufud قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلال فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Qabla un yuslim. C'est un hadith qu'on retrouve en plus même dans l'imam al-Bukhari dans Kitab al-Jumu'ah, Kitab al-Jumu'ah, où Omar a vu donc un bel habit. Alors on sait que c'était le hulla, c'est en vérité un bel habit, donc on va dire un beau manteau, ou bien donc c'est comme un long kamis, donc quelque chose de beau, un bel habit. Et qui était en train de se vendre au souk. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends-le, habille-le, habille-toi de ceci le jour du vendredi, quand tu fais ton prêche. Le jour du vendredi, mets ça. Et aussi lorsque des gens viennent de loin, hein, donc des groupes de personnes, de tribus, qui viennent te voir au foud. C'est des gens qui veulent entrer dans l'islam. Donc des fois, il y a des gens qui viennent par tribu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça des délégations. Comme si c'était donc des délégations. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, donc certes s'habille de cela, en vérité c'est celui qui n'a pas de part, il n'a pas de part en vérité dans la vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on est venu avec, hein, avec cela, donc on est venu avec cet habit-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un d'autre aussi a pensé à ça, il a acheté, il a ramené au prophète et il l'a donné à Omar. Alors Omar lui dit, comment je vais le mettre alors que tu as dit ceci, cela sur cet habit? Il lui a dit, certes je ne te l'ai pas donné, enfin tu t'habilles dessus, tu t'habilles. Mais plutôt que tu le vends, mais plutôt en vérité que tu le vends et que tu profites de ça, que tu puisses acheter autre chose à la place. Vends-le. Donc il t'est permis de le revendre. C'est-à-dire en vérité à ceux qui le portent, il y aura des gens qui vont le porter. Ça c'est pour eux, mais c'est pas pour nous. Donc Omar l'envoya à son frère, un de ses frères, qui faisait partie des gens de Mecca, avant que cette personne entre dans l'islam. Cette personne qui n'était pas dans l'islam, donc il lui a laissé, il lui a donné. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a évité. On comprend que ce n'était pas directement quelque chose qui était interdit, mais c'était plutôt quelque chose de... Hein, il préférait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne pas le mettre. Par adeb, il ne préférait pas le mettre. C'était en vérité flashant, c'était trop beau. Et il ne voulait pas avoir cet habit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point, quatrième chapitre. Babun la yasubbu walidayhi. Afwan. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. Et ce hadith est rapporté aussi par le Bukhari, il est authentique. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands péchés, c'est qu'une personne insulte ses parents. Donc les compagnons ont posé la question, mais comment une personne va insulter ses parents? Ils ne comprennent pas ça. Il dit, tu insultes les parents de quelqu'un, et lui répond, en vérité, il insulte tes parents. Tu insultes, donc tu vas insulter une personne, et lui va insulter donc ton père et ta mère. Donc en vérité, c'est revenu sur toi. Tu as insulté, et c'est revenu sur toi. Donc c'est comme si c'est toi-même qui avais insulté en vérité tes parents. Tu as ouvert la porte à cela. Babun uqubatu uquqi alwalidain. Et ça est authentique aussi. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani min hadith Abi Bakr. Laysa Abu Bakr, Abi Bakrata. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة ما يعني ما يدخل له من البغي وقطيعة الرحم. Il n'y a pas un péché qui va être en vérité plus empressé que le fait, c'est-à-dire que le châtiment, que le châtiment. Donc il n'y a pas un péché où le châtiment sera le plus rapide que celui qui commet de la turpitude sur la terre, le bari, hein, et aussi que celui qui rompt les liens de parenté. Alors Azajel, il descend le châtiment sur place. C'est pour ça que hein, lorsqu'on voit l'Anbiya, que ce soit Azajel lorsqu'il mentionne par exemple Issa, lorsqu'il mentionne Hatta Ibrahim, on voit qu'ils étaient donc obéissants envers leurs parents. Issa envers sa mère et Ibrahim envers ses parents. Lorsqu'on voit, hein, voilà Miyakun, Jabbara, Shakiya. Donc il dit en plus, il n'était pas Jabbar. Parce que qui est mauvais avec ses parents, c'est un Jabbar. Et certains ulama disent que c'est Jabbar, c'est celui qui a tué deux personnes au minimum. Il tue, il ne se repent pas. Il retue encore une deuxième fois. Tuer deux personnes, c'est pas comme si tu avais tué une personne. Et voilà Miyakun, Jabbara, Shakiya, malheureux. Car la désobéissance aux parents t'apporte automatiquement quoi? Le malheur. C'est pour ça qu'on a dit il n'était pas malheureux. Donc tu comprends que l'obéissance, elle ramène le contraire. Elle ramène le bonheur. Malheureux dans la vie d'ici-bas. Et ça, c'est un okuba. C'est quoi? C'est un châtiment. C'est un okuba. C'est un châtiment qui est empressé. Empressé. Hein? Donc c'est sur place. Ça, c'est pas quelque chose qui reste pour le. Hein? C'est sur place et aussi dans le-delà. Mais tout de suite, tu reçois ce châtiment. Quand la personne, elle rompt les liens de parenté. La même chose lorsque l'Azal vient, ou un tufsidou fil ard, après dit un tuqatta'u arhamakum. Il parle bien d'Allah à un moment donné que ceux qui commettent la turpitude sur la terre, et il le met juste après quoi, et que vous rompiez les liens de parenté. Pourtant, rompre les liens de parenté fait partie de quoi, hein, de commettre la turpitude sur la terre. Et c'est un des éléments les plus importants. Comment tu peux te dire réellement de Al-Sunnah ou Al-Jama'a si tu déjà t'as pas de Jama'a dans ta famille? Comment tu vas faire avec les gens réellement alors que tu n'as pas suivi les étapes? Ça fait partie de la Jama'a et ça commence par là. Ça commence par justement ces choses-là. Jama'a, c'est pas wa alaykoum salam, c'est un tout, et même la famille, et surtout la famille. Babun Buka Al-Walidain. فقال ابن عمر radiallahu anhu wa an abihi qal buka'ul walidayn min uquq wal kaba'ir. Min al uquq wa al kaba'ir. La parole de Ibn Omar ici qui est authentique. Il dit, faire pleurer les parents fait partie de la désobéissance et des grands péchés. Faire pleurer les parents fait partie et de la, donc, min al-uquq, et de la désobéissance et des grands péchés. Imaginez-vous un peu les résultats qui viennent après. Aussi, babu da'wati al-walidain. Babu da'wati al-walidain. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. الحديث هو authentique rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et autres, Ibn Hibban et autres encore. Donc ici, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit trois doigts, trois invocations sont exaucées sans doute, sans aucun doute. Il n'y a aucun doute que elles sont exaucées donc obligatoirement. Allah a décidé que certains points, Allah se rend obligatoire le fait d'accepter ces doigts. Donc c'est un haq qui devient wajib de la part d'Allah. C'est pour ça que la shakka kafihinna. C'est sûr qu'Allah y exauce. Qui ? L'invocation de celui qui est en voyageur, hein, du voyageur, l'invocation de l'opprimé, de celui qui subit l'injustice, l'invocation du voyageur et l'invocation du père ou bien du parent envers son enfant. Envers son enfant. Si tu commets du mal, voilà. Hein, envers ton parent, il suffit qu'il fasse une doigt pour toi, pour que sache que la okuba, elle descend sur place. Elle va descendre sur place. Et là, on voit que c'est chaud. Chapitre, il y a babun ou babu, ard l'islami ala l'ummi al-nasraniya. Chapitre, on va essayer de montrer l'islam, de faire découvrir l'islam envers sa mère qui est chrétienne. Envers sa mère qui est chrétienne. Donc, sa mère, Abu Huraira, yaqul, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wa la nasraniyun illa ahabbani inna ummi kuntu. يعني أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه Ahibhuma ilan nes. Ou ahibbahuma ilan nes. Et c'est un hadith qui est hasan, qui est bon. Ici, donc, Abu Huraira a cherché à ce que sa mère entre dans l'islam. Et bien sûr, donc Abu Huraira a dit à chaque fois qu'un juif ou un chrétien m'entende, donc, même. À chaque fois qu'un juif et un chrétien ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon générale, ils l'ont toujours aimé. Ils l'ont toujours aimé. Donc ils ont toujours aimé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ma mère, hein, je voulais qu'elle entre dans l'islam. Elle a refusé. Donc je lui ai parlé, elle a refusé. Et je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit, invoque Allah pour elle. Et il a invoqué Allah pour elle. Et je suis parti la voir. Donc, j'ai ouvert la porte, j'ai poussé la porte, et elle a dit, oh Abu Huraira, celle qui lui annonce la bonne nouvelle, avant que lui dise quoi que ce soit. Elle lui dit, certes, je suis entré dans l'islam, j'ai embrassé l'islam. Et j'ai prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai dit, invoque Allah pour moi et pour ma mère. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, oh mon Dieu, ton serviteur Abu Huraira ainsi que sa mère, donc fait justement Hein, fais-les aimer auprès des gens. Fais-les aimer auprès des gens. Naam. Fais que les gens vont les aimer. Donc on voit que la personne en vérité, elle fait attention à sa mère. Même si sa mère n'est pas musulmane. Elle essaie en vérité, genre celui qui est, hein, qui est donc chrétien d'origine ou quoi, et qui entre, alhamdoulilah, dans l'islam, il fait attention à ses parents afin qu'il entre dans la religion. Il fait dua pour eux. Et tu peux même demander aux autres qu'ils fassent dua pour eux, comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Babu birr al-walidaini ba'da mawtihima. Chapitre de la bienséance du bon comportement envers ses parents alors qu'ils sont morts, après leur mort. Après leur mort. Et comment cela? Donc il y a plusieurs hadiths dessus. Donc Abu Salih rapporte de Abu Huraira, il dit: Tulfa'u lil mayyiti ba'da mawtihi darajatuhu fa yaqul ayu rabb ayu shay'in hadhi fa yuqal waladuka istaghfara lak. Et ça c'est Ajib, ce hadith est Ajib. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, donc le mort va être élevé au paradis, en degré au paradis, il va monter en degré, et lui il sait, il connaît ce qu'il a fait. On sait que l'insan a la nafsihi basira. La personne en vérité elle sait ce qu'elle vaut. Tu sais très bien que est-ce que réellement si tu vas être proche du prophète sallam ou pas par rapport à ce que tu fais dans ta vie. C'est parce que comme tu connais l'islam et tu connais tes actes, tu peux faire en vérité la comparaison. Tu sais très bien ce que tu vaux de façon générale. Et la personne ici va dire, oh Allah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui me fait en vérité, qu'est-ce qui fait que je monte comme ça en degré? Allah il dit, donc on va lui dire, ou lui il va dire plutôt, il va dire, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, qu'est-ce que cela? On va lui dire, ton enfant qui demandait pardon pour toi. Ton enfant qui demandait pardon pour toi. Donc, ماذا يكون هناك؟ كيف الشخص له ولد يدعو له؟ ليس يعني لأن يعني رباه هذا لا يأتي إلا بعد التربية. Ça vient que après les efforts que tu as fait envers ton fils quand tu l'as éduqué. Sans éducation, ton fils il peut arriver à ça. عادةً. Sauf si Allah Azzawajal le guide et qu'il accepte le khair et qu'il le fait malgré que tu ne l'as pas appris, tu l'as pas appris ça. عادةً, c'est parce qu'il faut que tu l'éduques. Il faut que tu ramènes le sabab. N'attends pas que tu dises c'est Allah qui va te guider, va me faire du'a. C'est à toi de faire l'asbab. Donc ça c'est d'où l'importance de la tarbiya, de l'éducation. Et c'est un hadith hassan. Aussi, Abu Huraira toujours rapporte, il a dit, Allahumma ghfir li abi Huraira wa li ummi wa li man istaghfara lahuma. Qala li Muhammad yani fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati abi Huraira. Donc Abu Huraira disait, oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne à Abu Huraira, et pardonne à ma mère, et pardonne à ceux qui demandent pardon pour nous. Donc ils ont entendu ça, ils ont dit, et on était en train de pardonner, c'est-à-dire, on pardonnait pour Abu Huraira afin de profiter de cette, d'entrer dans la dénomination de cette doa, afin de faire partie de cette doa. Vous voyez comment ils étaient. Et aussi, dans un hadith qui est connu, rapporté par Muslim Sahih, où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est toujours Abu Huraira, toujours. إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. يعني صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد يعني صالح يدعو له. Lorsque le serviteur d'Allah meurt, ses actes lui sont coupés, sauf trois types d'actes. Une sadaqa jariya, une aumône qui est continuelle. Hein, donc tu vas, mafan, œuvrer pour construire une mosquée. Tu vas participer à la construction d'une mosquée. Tu meurs, la mosquée existe toujours. Donc je vois qu'il y aura, bien sûr, donc c'est des sadaqa jariya pour toi. Un puits, par exemple, ou bien une science dont les gens profitent. Tu as rassemblé un livre ou des livres qui rassemblent, par exemple, tous les hadiths authentiques. Donc ça, c'est une science qui profite pour les gens. Donc imaginez-vous un peu comment Allah fait profiter des gens comme l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim ou l'imam al-Albani ou d'autres par rapport aux œuvres qu'ils ont laissées aux gens. Et les gens sont tout le temps derrière en train de revenir dessus. Leur nom est mentionné sur les quatre coins de la terre tous les jours, matin, midi et soir. Donc c'est l'ilm yuntafa'bi. Et ça peut être même une science qui serait non religieuse, mais qui va être profitable. Maintenant. Et un enfant pieux, walid salih. Yad'u lahu, qui invoque pour ses parents. Donc la personne, si elle est pieuse, elle ne doit pas oublier quoi ? D'invoquer en réalité le parent. Elle n'oublie pas aussi d'invoquer le parent. Donc il faut que tu sois pieux et que tu fasses profiter avec, hein, donc il faut que cette piété elle soit justement ressentie. وقال ابن عباس يعني أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن تصدق عنها قال نعم et ce hadith qui est sahih qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres encore. Donc un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma mère est morte, il n'a pas laissé de conseil, il ne nous a pas recommandé quelque chose. Est-ce qu'il lui sera profitable si je donne en aumône pour elle ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit na'am. Il a dit na'am. Oui, fais une sadaqa pour elle. Babu birriman kana yasiluhu abu. Donc chapitre de la bienséance ou de l'obéissance envers celui dont ton père avait des liens. L'ami de ton père. Ton père il est mort, mais l'ami de ton père, tu gardes les liens avec, par respect à ton père. Fakana Abu al-Arabi, sadiqa li Omar, radiallahu anhu, qala al-Arabi, alasta ibn Fulan, qala bala, fa amararahu ibn Omar bihimarin kana yasta'aqibu. فنزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعد من معه أما يكفيه درهمان قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لتقطعه فيطفي الله نورك أو فيطفي الله نورك. Ici donc le hadith il est quoi, il est ضعيف, mais on va quand même le lire parce qu'il y a un hadith qui est sahih qui est juste après, où donc cet arabe là était l'ami du père de Omar. Donc il lui a dit, est-ce que c'est bien toi le fils de Fulan ? Il a dit oui. Et donc il a bien sûr ordonné ici hein, à Omar, donc il lui a ramené en vérité donc l'âne hein, qu'il traînait, donc un âne qui était avec lui, qu'il traînait, et il a enlevé sa imama de sa tête, et il lui a donné, donc il a enlevé sa imama comme si peut-être il voulait le couvrir du soleil ou quoi, et alors que les gens disent ce n'était pas suffisant juste de lui donner en vérité 2 dirhams. Et il a dit, et le prophète m'a dit, garde hein, les liens, c'est-à-dire garde en vérité les bons liens, les bons rapports que ton père a eu. Ne les coupe pas. Garde en vérité les liens que ton père a eu avec les gens qu'il aimait. Parce que le wud, c'est le fait d'aimer fortement quelqu'un. C'est les bons amis de ton père, garde des liens avec lui. Et sinon, Allah Azzajal va quoi ? Va éteindre ta lumière. Là, comme on l'a dit auparavant, le hadith, il est da'if. Il y a un hadith qui est juste après, où Ibn Omar, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna abarrat bir an yasira rajlu ahla wuddi abih » Et là, ça c'est sahih. C'est un hadith qui est apporté par le muslim. Et le hakim. Donc il dit, la meilleure obéissance, hein, c'est que la personne garde des liens de parenté, hein, garde en vérité les liens des gens qui avaient des liens avec ton père. C'est fort. Il est mort. C'est plus facile de s'en éloigner. Parce que maintenant il est mort, c'est terminé pour toi peut-être. Toi t'es plus jeune, t'as pas l'habitude d'aller le voir. Mais là tu gardes. C'est assez fort. Hein, de garder justement des liens que. Des mêmes liens que ton père en vérité avait. Et il dit bien ici, c'est donc la plus grande obéissance. Abar al-Bir. La plus grande obéissance. Parce que Abar c'est quoi ? C'est Ismu Tafdil. C'est justement un superlatif ici. L'obéissance la meilleure. C'est que tu gardes les liens hein, de parenté avec les personnes qui étaient en lien avec ton père. Et c'est sahih. Babou, elle vous dit, hein, yatawaraf. Et ici, donc, aussi, il est daif. Donc, je ne vais pas citer le hadith. Les hadiths qui sont daif, moi, maintenant, je vais commencer à plus les citer, afin qu'on puisse avancer. Donc, je prends chapitre 23. Babou. لا يسمى رجل يعني أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. Donc tu ne vas pas appeler ton père par son prénom, et ni tu vas t'asseoir avant lui, et ni tu vas marcher devant. Donc ici, il y a Abu Huraira rapporte, il y a Abu Huraira Absara Rajulain, il a vu deux hommes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que cette chose qui émane de toi est en train de faire, hein? Tu fais là. Qala Abi. Il dit c'est mon père. Qala Mahada Minka. C'est-à-dire en vérité, qui il est pour toi plutôt, Afwan. Qui il est pour toi? Qui il est, hein? Qui est cette personne-là pour toi? Il dit c'est mon père. Qala La Tusammihi bi ismihi. Ne l'appelle pas par son prénom. Hein? S'il s'appelle Mohammed, ne l'appelle pas Mohammed. Wala Tamshi Amama. Ne marche pas devant lui. Wala tajlis qabla. Et ne t'assieds pas avant lui. Ta'addab. Donc garde le bon comportement. Ta'addab. Nous, on calcule pas. Mais au contraire. On profite de on est devenu nous le père, entre guillemets. Mais toi, il va nous servir. C'est ça, de façon générale. Donc maintenant, c'est parmi les signes d'affaires du monde que c'est justement la mère qui devient esclave de la fille. Il a fait les... On fait le contraire. Et les gens croient qu'en l'appelant, c'est comme si... comme si c'était... on est un peu ouvert, on est cool. Alors je l'appelle par son prénom. Là, respecte ton père. Il ne l'appelle pas par son prénom. Appelle-le pas. Donc il y a Abati Ilakhiri. Comme a fait Ibrahim Alayhissalam Ilakhiri. Et ne marche pas devant. Et aussi ne t'assieds pas avant. Ne t'assieds pas avant. Babu yani hal yukan ou la yukanna yani aba ou yukni aba قال البخاري حدثنا اصحابنا عن واقيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكن ابو حفص عمر يعني قضى dans le sens aussi hein, donc ici عمر ابو حفص عمر يعني قضى. Donc ici, ça veut dire que tu peux, en fait, Alukanna Abba, ou Yakni Abba, dans le sens Yukanni plutôt Abba, est-ce que tu peux appeler ton père par Abu Intel, la kunya que vous connaissez, est-ce que j'ai le droit de dire, par exemple, mon père s'appelle par exemple Abu Ammar, est-ce que je peux dire, oui, n'est-ce pas que Abu Ammar a fait ceci par exemple, a fait cela. On a une preuve parce que Ibn Omar l'a dit, voilà qu'il Abu Hafs, c'est qui Abu Hafs? C'est Omar ibn Khattab. Et c'est qui parle? C'est son fils ici. Hein? Omar Qadha. Certes, Abu Hafs Omar a jugé. Donc on voit que son fils il a bien utilisé Abu Hafs. Donc c'est une preuve que c'est permis. C'est une preuve que cela est permis. Donc même le fils, il va pas l'appeler hein, Omar tout seul. Comme on l'a vu ici. Ou bien s'il appelle Omar, c'est afin que les gens savent de qui il parle. Que c'est Omar ibn Khattab. Donc là, à ce moment-là, il y a mis Beb Tarif. Il y a afin de savoir à qui on a affaire. Mais peut-être que toi il va le voir, il ne l'appelle pas entre un l'un envers l'autre, Omar. Mais comme il est connu par Omar, auprès de tous les musulmans, il va l'appeler Omar. Pour ça les gens ils savent de qui il parle. On sait de quoi on parle. Donc là il y a un tarif. Il y a un tarif. Mais s'il était en face, il n'aurait pas dit oh Omar. Son fils n'aurait pas dit ça. Il aurait dit oh mon père. Babu Ujubi Sidat Rahim. Chapitre de l'obligation des liens de parenté. Faqala Abu Huraira lama nazalat hadhihi al-aya wa anzir 'ashiratuka al-aqrabin. Dans sourate Al-Shu'ara verset 214. Donc il dit lorsque ce verset est descendu, préviens. Al-Ashira c'est le groupe, hein, donc c'est la petite communauté. Hein, qui est des proches de l'Ashira, parce qu'en général, parce que c'est composé de 10 personnes à peu près, ou bien voire plus, mais on appelle ça l'Ashira. Donc, appelle, en vérité, donc préviens tes proches, ceux qui sont autour de toi, les gens de ta famille. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fanada, ya bani Kab, ibn Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar, ya bani Abd Manaf. أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هشام أو يا بني هاشم عفوا أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك نفسكِ من نفسكِ من النار فإني لا أملك لكِ لا أملك لكِ من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها يعني ببلالها ها سأبلها ببلالها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Donc ici, lorsque Allah a demandé au prophète Sassam de prévenir sa communauté, ses proches, il a appelé donc la communauté, il a parlé en disant à Yani Beni Ka'b ibn Luway, dans le sens donc c'est tous les gens de Quraysh, les proches, c'est ses tribus à lui. Hein, donc sauvez-vous du feu, la même chose pour Abdel Manaf, on sait qu'un Nabi Sallam revient à la tribu d'Abdel Manaf, lui et d'autres, compagnons du prophète. Même chose, sauvez-vous du feu, même chose pour Bani Hashim, il fait partie de cette tribu, sauvez-vous du feu, et aussi Abdel Muttalib, donc c'est directement la famille du prophète Sassam, sauvez-vous du feu, et aussi Fatima, fille du prophète, sauvez-vous du feu. Et car j'en vais, je ne peux rien faire pour toi, c'est-à-dire devant Allah. Je ne possède rien de toi auprès d'Allah. Non, je ne possède rien de ce que tu pourrais faire auprès d'Allah. Je n'ai pas en vérité la capacité de te faire rentrer au paradis ou pas. C'est tes œuvres qui vont te faire rentrer au paradis. Dans une autre version, le Nabi Sami dit demande-moi de mes biens, donne-moi tous mes biens, hein, demande-moi tout de ce que j'ai. Mais je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire que ça peut, si c'est toi les choses de la dunya, ben qu'est-ce que il n'y a pas de problème. Mais une fois que ça sort de, une fois que ça fait partie de la religion, c'est plus de son ressort. C'est du ressort d'Allah Azza wa Jal. C'est du ressort en vérité d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un dalil comme quoi que les liens de parenté restent. C'est-à-dire Allah t'ordonne de prévenir les gens de ta famille. Donc tu vas ordonner, tu vas appeler ta famille à l'islam. Comment? En rompant les liens ou en gardant les liens? En gardant les liens. Donc ça, c'est une preuve que les liens, ils sont gardés. Ils restent. Et c'est Allah qui te demande de commencer par eux en plus. Donc, Babu Silat al-Rahim, chapitre, ce que l'on a vu tout à l'heure, Ujub, l'obligation. Dans le verset, il montre l'obligation. Et même Bukhari a compris par rapport au verset que c'est une obligation. Car tu dois ordonner obligatoirement, hein, tu dois prévenir obligatoirement ta famille contre justement les châtiments d'enfer, contre la khélé. Et là, chapitre des liens de parenté. Il dit Abu Ayyub al-Ansari, un arabien, arada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi masirih faqala yani akhbarani. ما يقربني أخبرني عفوا عليكم السلام أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Donc un arabe est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il voyageait. Il lui dit annonce-moi de ce qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Il lui a dit adore Allah et ne l'associe en rien, en quoi que ce soit. Accomplis ta prière, acquitte-toi de la zakat et garde les liens de parenté. Et tisse les liens de parenté. Le hadith est authentique. Le hadith, il est authentique. Et aussi Abu Huraira toujours. On voit qu'Abu Huraira a énormément mentionné ces hadiths. Il fait bien. Proche de sa mère, il a bien retenu ces paroles-là. Hein, et on voit qu'il mentionne subhanallah beaucoup, hein, justement, c'est ça. Il dit Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inni khalaqa Allahu azza wa jalla khalqa falamma fara'a minhu qamat ar-rahim faqala mah qalat hadha maqamu al-a'izi bika min al-qati'a qala ala taqdina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak qalat bala ya rab qala fa dhalika laki thumma qala abu huraira اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ها وتقطعوا أرحامكم